love son. Savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sans passer après, avec un plus, nous sommes les fans de la city. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sans passer après, avec un plus, nous sommes les fans de la city. Je dois délivrer la rage qui me harne sur ce beat et ce texte qui m'habite. Sache lire entre les lignes si tu veux pas te faire baiser par ce système qui nous a traités comme des chiens et maintenant nous fait payer la liberté. Je veux l'avoir à mes pieds, des coups prompts dans la bouche, c'est tout ce qu'elle a mérité. Après nous avoir mis l'eau à la bouche, et puis ma première bonheur, il m'a fait saliver. Je suis désordonné dans ma vie comme dans ma tête. Maintenant tu sais pourquoi je rage en tête à tête. En vivant dans ces règles, j'aurais pas l'âge de Ben Affleck. Mais je peux l'avoir que dans l'illégalité parfaite. Il faut être celui qui tire les ficelles plutôt qu'être celui qui se fait ficeler. Mes frères, sans vouloir t'offenser, à ce mode de vie, nous nous sommes habitués. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui prennent, y'a ceux qui prennent. Oh, oh, oh, sois pas surpris, avec un plus, nous sommes les fans de la city. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui prennent, y'a ceux qui prennent. Oh, oh, oh, sois pas surpris, avec un plus, nous sommes les fans de la city. C'est TTT, j'ouvre pas la coup de fusil. 210 là d'où je viens, c'est la merde qui nous bousille. On avance, on perd de temps, on avance, on garantit. C'est le sang des bandits. Pas défendu, on appartient à son père. Sache qu'on a peur que t'as la tout puissant. Rembrandt, et c'est si on s'unissant sur le même beat en full spell. Et ma gueule, faut que tu t'inquiètes, tu prédis tout. Comme du pot de Dooms, le rap c'est plus, y'a pas de tout. Dans mes sons, quelques fuites et quelques souilles, et puis c'est tout. C'est la rage du clock, vulgaire, baisse ton frappe devant le clock. 9-5 Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sois pas surpris, avec un plus, nous sommes les trois doigts city. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sois pas surpris, avec un plus, nous sommes les trois doigts city. RAG c'est mon vétro, jamais je la ferai mon drapeau. Toujours fidèle à mes nègres, ouais, ouais, ouais. C'est le retour des RAMP. Les UWA vont se lever, les polos vont se cacher. Les gens qui vont la snouffer, trop sans la compète. Mes très peu fils de cheat, j'en ai le regret. Obligé d'acheter les MC à coup de ma chaîne. Tu veux de la 16, c'est la 13. Je veux ma peau, c'est où je crèche. J'ai une caisse et de la 16. Classe, plus bien, je te déstresse. De nature animale, j'étais pourraille quand ça se passe mal. J'ai les barbades, Bolo NS m'a cliqué au centre commercial. Là-bas, Renoir, beaucoup se font tabasser. Tu prends une peine devant tes proches qui se demandent qu'est-ce que t'as fait. RAG, faut pas trop jouer. Si yeah. Toi, tu vas te piquer. Je te montrer ta richesse. Même toi pas mal, je vais t'en mettre. Mon quartier a de la peur et tu voulais un crédit. Et pourtant tout compromis, trop de façon des gens sont pris. Hein. Aide ma princesse, si c'est écarte les fesses. Sans ma cesse et ma caisse, de notre amour qu'est-ce qu'il en reste. Mais pour ça je m'en fais pas, et le gain qui a sur mon fric. Ma tête c'est un rupture de stock, un tour à ta mais ça repartit. Sans LGF, jamais je n'en serai là. Sur mon 9mm, on ne respecterait pas. Ce son je le dédie à Ratman, tu vois bien que j'ai pas changé. Le faux revient dans son QG, voilà le retour des RAMP. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sans passer après, avec un plus, nous sommes les fans de la city. Je veux savoir qui est la street, quand on sait qu'il y a par ici. Y'a ceux qui rappent, y'a ceux qui font, y'a ceux qui prient. Oh, oh, oh, sans passer après, avec un plus, nous sommes les fans de la city. Let's go.